Le beau jour. J'eus en ma vie un si beau jour qu'il éclaire encore mon âme. Sur mes nuits, il répand sa flamme. Il était tout brillant d'amour, ce jour plus beau qu'un autre jour. Partout, je lui donne un sourire, mêlé de joie et de langueur. C'est encore lui que je respire, c'est l'air pur qui nourrit mon cœur. Ah, que je vis dans ses rayons une image riante et claire, qu'elle était faite pour me plaire, qu'elle apporta d'illusions au milieu de ses doux rayons. L'instinct plus prompt que la pensée me dit « Le voilà ton vainqueur !» Et la vive image empressée passa de mes yeux à mon cœur. Quand je l'emporte au fond des bois, hélas, qu'elle m'y trouble encore, que je l'aime, que je l'adore, comme elle fait trembler ma voix. Quand je l'emporte au fond des bois, j'entends son nom, je vois ses charmes, dans l'eau qui roule avec lenteur, et j'y laisse tomber les larmes, dont l'amour a baigné mon cœur.